Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par l'association Les Mondes de l'Utopie. Vous êtes en direct sur la radio Gemozo. Nous sommes le jeudi 13 juin et il est 10h. Bonjour à tous, aujourd'hui avec nous Flo et moi-même. Salut Flo. Bonjour à tous. Bonjour, eh bien on est content de vous retrouver une nouvelle fois pour les Oreilles du Monde en direct sur Radio Gemozo. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir, le soleil est revenu, donc soleil, chaleur, bonheur. On va passer 1h30 environ ensemble, comme d'habitude. Et du coup, aujourd'hui, on va vous faire un petit retour, petit débrief sur Cultivons nos passions, qui a eu lieu le 26 mai à Rochesson, donc le dernier événement de l'association. Et ensuite, on viendra vous parler du futur événement qui arrive bientôt, c'est déjà dans 10 jours, même pas, de la musique à Rochesson, donc organisée par les Mondes de l'Utopie. Donc on va vous en parler plus en détail juste après. Et ensuite, on vous fera une petite interview d'un des groupes de la fête de la musique. Camille va nous parler de Cultivons nos passions, on va s'alterner, on va parler tous les deux, comment ça s'est passé. C'était un super événement, un réel succès pour une première édition. Donc Cultivons nos passions, qu'est-ce que c'était ? Eh bien donc Cultivons nos passions, ça a eu lieu au centre du village à Rochesson, place Marcel Perrin, c'était le 26 mai 2019, donc c'était la journée de 10h à 18h. On avait prévu un repas printanier, donc le menu il était le suivant, donc il y avait une bonne assiette avec salade, on avait du houmous, on avait quoi d'autre, aide-moi Flo, parce que c'était un repas entrée plat dessert, donc on avait mis le gros paquet sur ce repas, un repas pas très cher pour l'occasion, pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc on ne s'attendait pas à avoir autant de réservations, on a servi 200 repas, oui. Donc ça a déjà pas mal amené de monde sur la manifestation rien que pour le repas, avec la chance qu'il y avait le bureau de vote des élections européennes juste en face. Aussi, donc on a eu un public incroyable tout au long de la journée, c'était... grandiose. On a surtout eu la chance qu'il fasse beau, puisqu'on avait eu quand même 3 semaines de pluie, donc on a été un petit peu stressés jusque-là. Finalement, le temps était avec nous, donc il y a eu beaucoup de monde qui est passé cette journée-là. C'est vrai qu'a priori, en tout cas, on a eu des retours, et les gens du village nous ont dit que c'était assez rare d'avoir autant de monde sur la commune, comme ça, pour une journée, et puis ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de petit marché, donc les gens étaient assez contents, il y a eu beaucoup de villageois qui sont venus, qui ont participé, il y a eu des gens de l'extérieur également, puisqu'on avait fait quand même pas mal de communication, et puis donc on avait également des standiers, donc on était à peu près 25 standiers, dont des artisans d'art, des producteurs locaux ou bio, ou les deux d'ailleurs. Et puis quelques associations, il y a eu des ateliers aussi qui ont été pas mal fréquentés parce que voilà, il y a quand même pas mal de gens qui étaient repartis avec leurs petits bandeaux de fleurs, leurs petits papiers, tout ça. Leurs lessives, il y avait aussi... fabrication d'éponges tawashi, il y avait fabrication de produits ménagers naturels, il y avait... La sérigraphie aussi. Il y avait des ateliers pour de la fabrication de petits carnets et de papier... C'était papier marbré, je crois. Par l'association Sauvage. Ouais. Fabrique Sauvage. Deux filles qui vont parcourir le monde à la découverte de la fabrication du papier naturel. Donc vous pouvez aller voir sur leur site internet, d'ailleurs, Fabrique Sauvage, puis les soutenir pour cette belle cause. On avait, ben, pour en revenir au repas, on a eu un super repas fabriqué par nos petites mains, par les bénévoles de l'association, qu'on remercie chaleureusement parce que c'était un boulot incroyable. Faramineux. Faramineux, oui. Et tout issu soit de l'agriculture biologique et de produits locaux. Donc vraiment super, on est content de pouvoir servir des repas comme ça à chacun de nos événements. À ne surtout pas oublier la participation des enfants de l'école. Oui. Donc on a mobilisé l'école de Rochesson, on a créé un partenariat ensemble pour faire des ateliers. Donc on a eu 2 jours d'ateliers, 2 jours les gamins sont venus à l'association pour des ateliers tout au long de la journée. Donc on a eu un atelier papier mâché, fabrication de nids d'oiseaux en papier mâché. De structures en forme de fleurs, il y avait... oui, c'est ça. Toute la déco de l'événement a été fabriquée avec les enfants de l'école. Et ensuite, on a eu aussi de la récolte d'éléments naturels dans la forêt pour faire un mandala géant. Tous les gamins ont participé puis étaient ravis de ces 2 journées. Donc c'est vraiment un succès aussi. Ça a été un peu éprouvant pour nous parce que mine de rien, c'était juste sur la journée, mais il y avait énormément de choses à gérer. Mais voilà, on s'en est quand même bien sorti, on est super content du résultat, de la fréquentation et puis des retours aussi parce qu'on a vraiment de bons retours. Donc voilà, ça motive toujours à continuer. Donc la journée, elle a été rythmée par différentes choses. Elle a été rythmée par la présence de Nico le crieur. Donc un grand merci, un grand big up à Nico. Si tu nous entends, si t'es par là sur les ondes, ben merci à toi pour toute cette motivation et ce dynamisme pour avoir rythmé la journée avec des petites boîtes où les gens pouvaient mettre des petits mots qui étaient criés ensuite à la criée publique et qui a rythmé aussi la tombola tout au long de la journée. On a vendu 90 tickets de tombola. Oui, c'est ça, oui. Donc vraiment, ça a bien marché la tombola aussi. La tombola qui était des lots, 3 lots de tous les artisans et les producteurs. En fait, tout ce qu'il y avait dans les lots de tombola était exclusivement sorti du marché de Cultivant nos Passions. Donc voilà, on a eu Nico qui a rythmé la journée. Ensuite, on a eu l'honneur d'avoir le groupe strasbourgeois Bal Pygmée qui nous a fait valser, danser et qui nous a partagé sa musique. C'était un bon moment sous le soleil. Oui, c'était chouette de voir des gens danser parce que c'est vrai qu'en journée, c'est pas forcément le moment le plus adéquat, disons, pour danser, mais d'avoir pas mal de gens qui ont valsé, ça fait plaisir. Et puis après, on a eu donc la conférence gesticulée de Jérémy, que bon, j'ai malheureusement pas pu l'écouter, mais Flo, toi, tu as été attentif, non ? Tu as oui. pu l'écouter, oui. Une super, très participatif. C'était vraiment intéressant autour de la rénovation thermique de l'habitat. Donc tous les points de vue différents de qui est-ce qu'on va voir pour rénover son habitat, plutôt écologique, thermiquement, et les embûches qu'on rencontre, les différents témoignages qu'il nous a partagés des collectifs qu'il est allé voir, parce que c'était surtout orienté habitat collectif et écologique. Donc vraiment intéressant, les arnaques des banques, tout ça, enfin... Un chouette partage de Jérémy, puis très participatif avec des gens qui sont montés sur scène, qu'il a fait participer, intéressant. D'accord. Bon, on n'est pas trop mal pour notre petit résumé. En tout cas, on remercie, comme d'habitude, la mairie, qui est un grand soutien pour nous, tous les bénévoles, tous les adhérents, tous les gens qui participent de près ou de loin, le Super U aussi qui nous soutient également, et de Vanier. Et puis, qui est-ce que j'ai oublié ? Notre ingé son, les musiciens, tous les acteurs de cette journée. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Non, je crois pas. On remercie aussi Radio Gémozo, toujours de nous accueillir pour la promotion de nos événements, pour notre émission Les Oreilles du Monde, qui a lieu chaque mois, de 10h à 11h30, tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc on est bien content de pouvoir venir vous compter tout ça à chaque fois qu'on fait un événement pour la préparation, puis aussi pour le retour. En tout cas, bah, Cultivons nos passions, première édition, premier succès. Oui. On remet ça l'année prochaine avec d'autres activités, toujours autour des plantes, tout ça. Le troc qui a bien marché aussi. Aussi, oui. Ouais, ouais. Tout le monde était bien content pour cette belle journée de printemps. Chouette. Ouais, belle réussite. Belle réussite. On passe à la fête de la musique ? Oui, on va passer à la fête de la musique. Allons-y. Donc, un petit rappel, la fête de la musique qui approche à grands pas. Donc, la fête de la musique, on l'organise comme l'année dernière à Rochesson. Cette année, c'est le samedi 22 juin. Donc, ce qui donne l'occasion de ne pas la faire le 21 parce qu'il se passe énormément de choses dans les Vosges. Nous, on a choisi de la faire le samedi soir, donc le samedi 22 juin, à partir de 18h à Rochesson. Venez nombreux. Vous pourrez découvrir pas mal de groupes de musique. Tout est en accès libre. À savoir que nous avons une solution de repli en cas de pluie. On pourra faire la fête de la musique en intérieur. Vous ne serez pas mouillé et ça sera chaleureux. Donc la fête de la musique, c'est sur la place Marcel Perrin à Rochesson ou alors s'il pleut dans la salle des fêtes. Tout commence à 18h avec une petite scène ouverte. Qui est déjà plus ou moins rempli, on va se le dire. Plus ou moins, oui. C'est des petits groupes de Rochesson. Donc on fait participer les gens du village. Voilà, exactement. Donc sur place, vous retrouverez restauration et bar. Donc Camille va nous parler un petit peu de la restauration et du bar. Oui, alors comme d'habitude, nous on travaille dans le local et un maximum biologique. On suit les valeurs de l'asso à fond. Et donc pour le repas, on va faire assez simple. Donc l'année dernière, pour ceux qui étaient là, ils se souviendront des crêpes bretonnes. Bon, malheureusement, cette année, on a un peu zappé les crêpes puisque c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Mais du coup, on va pouvoir proposer une assiette avec diverses salades élaborées par nos soins toujours, avec des bons produits. Et puis, soit de la viande, soit des falafels pour ceux qui sont végétariens. Et à côté de ça, on va proposer aussi des sandwichs pour ceux qui préfèrent juste manger sur le pouce assez rapidement. Donc de la viande aussi qui viendra du coin. Et puis, le sandwich aussi agrémenté de salade. Et ensuite, notre Chacha nous prépare des bons petits desserts également qui seront à disposition sur place. Et voilà pour la nourriture, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, au bar, comme d'habitude, vous allez retrouver tout un panel de bières. Je crois qu'en plus, cette fois, on en a 5 différentes. Non, oui, 5 différentes. Oui, 5 différentes. Deux blondes, mais deux blondes. Enfin, on a c'est eu pas deux les blondes, mêmes mais sont deux, oui. Deux différentes. Donc, comme d'habitude, on travaille avec la Golaille, donc la coopérative de Xertigny, et puis la Tumulte, qui nous vient de... C'est quoi le village, je me souviens plus. De Moyen. Moyen, ouais. Manière. Ouais, Manière. Un truc comme ça. Donc on travaille à la limite de la Meurthe-et-Moselle. Donc Manière, c'est une petite brasserie qui a ouverte de Gauthier et Emilien, qui propose tout un panel de bières artisanales qui fabriquées par leurs soins en maximum local et bio. Donc c'est plutôt une bière dans notre démarche. Oui. On est content de les avoir avec nous, très participants sur nos manifestations. Emilien qui est toujours là, on adore ce qu'ils font, leurs bières sont très bonnes. Oui. Donc n'hésitez pas à découvrir la brasserie de la Tumulte à Manière dans le 54. C'est vraiment à la frontière Vosges 54, c'est derrière Baccarat. On peut presque considérer qu'ils sont vosgiens, non ? Comment ? On peut presque considérer qu'ils sont vosgiens. Oui, c'est clair. On les adopte. Oui. Donc, comme d'habitude, la Golaille aussi, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, Mathieu qui est souvent aussi, qui vient toujours nous livrer, ramener les bières, enfin voilà, qui est très motivé. Et donc, on a ces deux bières-là, comme d'habitude. Donc là, vous aurez 5 bières à découvrir. Donc, il y aura 2 blondes, une ambrée, une ambrée IPA et une blanche. Voilà, donc ça sera à découvrir le 22 juin à la fête de la musique à Rochesson. Et puis on aura également du vin, donc du vin bio, du rouge, du blanc, comme d'habitude. Et puis toujours les softs, tous nos softs qui sont faits maison. Oui, c'est parce que ginger beer, comme d'habitude, et saumon et trompeur, mais il n'y a pas d'alcool. Donc on aura du ginger beer qui est sans alcool, qui est fabriqué maison, pardon. On aura aussi également du iced tea fait maison, On aura peut-être de la limonade d'effet, ça dépend. Donc c'est de la limonade de sureau, ça dépend si elle a réussi ou pas. Auquel cas, si ça n'a pas marché, on aura du bissap pour remplacer, donc qui est une boisson traditionnelle sénégalaise. Pour ceux qui sont déjà venus à nos événements, il y en a relativement souvent. Et du jus de pomme aussi, qui nous vient de je ne sais plus où, mais c'est du jus de pomme artisanal. Près de Vittel, dans ces coins-là. Un jus de pomme bio, local, fabriqué avec le logo terroir et quelque chose. Ah, Vosges et terroir. Terroir, voilà, exactement. Donc voilà pour la nourriture et le bar. Oui. Alors moi, je voulais juste rajouter un petit truc pour le bar. On est désolé pour le désagrément de ne pas avoir servi de vin bio à Cultivons nos passions. Mais on va se rattraper cette fois à la fête de la musique, puisque nous aurons tout un panel de vins bio. Donc voilà, on revient dans le bio et on essaye de faire un truc dans notre éthique et nos valeurs de l'association. Maintenant, je vais vous parler des artistes. Donc, les artistes, Donc, la journée commencera, enfin la soirée plutôt. Oui, plutôt. Tout commencera à 18h. Donc, je vous disais, avec une petite scène libre de groupes de musique qui vont passer, un petit discours des membres de l'association pour vous dire. D'écrire qu'est-ce que c'est, les mondes de l'utopie, pourquoi on est là, pourquoi, dans quelle direction on avance. Enfin voilà, le petit rituel de chaque événement. Ensuite, vous aurez la chance de découvrir Camisella. Camisella, c'est une violoncelliste multi-instrumentiste chanteuse. Elle nous donne sa vision de l'amour et des relations humaines. C'est très poignant. Ses mots viennent de ses tripes. Elle a une voix douce comme déchirée. Des mélodies plutôt aériennes ou des fois clamées. Tout un concert rythmé entre ses compositions à elle et des reprises de différents pays. Donc c'est vraiment, ça vaut le détour, c'est à voir. Camisella, on l'avait accueillie à l'association pour un concert de salon. Elle a bluffé tout le monde, on en a eu les larmes aux yeux. Puis comme on est comme autant de fou rire, enfin, c'était incroyable, donc c'est vraiment à vivre, on n'a pas de doute à la faire revenir et à vous la faire découvrir cette fois. C'est un ascenseur émotionnel entre les chansons et puis les entre-deux où elle rigole, où elle raconte tout un tas de choses très très drôles. Ouais, c'est un spectacle assez incroyable finalement. Oui, on a réussi à décrocher les deux acolytes, dont la deuxième que je vais vous présenter juste après. C'est quand même Camille à découvrir dans son univers intime, puissant, sincère. Elle va vous entraîner dans un voyage introspectif. Ça va vous parler, je pense. Elle est complètement déjantée. Pour ceux qui connaissent Kabadzi et Chapelier Fou, c'était la violoncelliste des deux projets-là. Donc Camille, elle a pas mal tourné, énormément de concerts à son actif. Et maintenant, elle s'est lancée dans son projet solo l'année dernière. Donc nous, on l'avait accueillie pour sa première date en solo. Ses ailes se sont déployées pour faire une première tournée à travers la France. Et elle nous revient. Donc on a hâte de vous faire découvrir ça, quoi. C'est incroyable. On écoute deux titres de Camille ? Oui, on écoute deux titres de Camille. Donc on va d'abord écouter Envie, quelque chose de poignant. Puis après, on écoutera un peu plus quelque chose dans l'amour. Eh bien, allons-y. Donc c'est Envie de Camille. Thank you. envie de pleurer, envie de te protéger, d'étrangler, envie de caresser ton corps, désir de te griffer plus fort, envie de te monter dessus, envie de te crier dessus, envie que tu souris, envie de te casser les dents, envie de rester au lit, je boirai bien ton sang. J'aimerais que t'aies peur, je veux que tu pleures et pour longtemps. Tu donnes, tu reprends. Tu sais pas ce que tu ressens. Tu donnes, tu reprends. Tu sais pas. Envie de te kidnapper, ravi de te torturer, envie de te mordre, ravi de te tordre. Je vais te manger, puis te vomir, puis te cracher, je te traite la vie. Je suis un chat, t'es ma souris. Envie d'être attirant, t'emmener là où il fait sombre. Envie d'observer ton ombre errer dans le néant. Envie de toi, une dernière fois entre mes doigts, une dernière fois entre mes doigts, sous l'oreiller, sans respirer. C'était Envie de Camisella. Camisella, vous pouvez écouter quelques liens sur YouTube ou alors sur Bandcamp. Il y a son album qui est en ligne. Son album Parfois si sombre, sorti en 2017. Donc, bah voilà, c'était Camisella. On va en écouter une petite deuxième. Cœur de Louve en direct de Radio Gemozo. Me délectant de ton odeur. cœur de louve. Ah là là, cette Camille. Elle va nous faire pleurer, hein. Elle va nous faire rire en même temps avec son acolyte. Donc, je continue la présentation des artistes, puis voilà son acolyte. Donc, vous aurez la chance de les découvrir toutes les deux en deuxième partie à 21h30 sur scène. Son acolyte, qui c'est ? Bah putain, c'est la Maggie ! Ah, la Maggie ! La voilà, la Maggie ! Elle vient enfin au monde de l'utopie ! Donc, la Maggie, bah, c'est cette chanteuse réaliste et décapante qui, bah, elle chante tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Elle trimballe son passif, ses chansons. Elle nous crie tout haut, tout fort, ses chansons burlesco-comiques à travers la planète pour proposer un spectacle qui débride les plus coincés et réveille les zygomatiques. Maggie, elle a une paire d'albums à son actif, hein, maintenant. Flaturbulence en 2017, Et ta grand-mère. Flaturbulence en 2007. J'adore les noms des albums. Moi. Et ta grand-mère en 2011. T'as vu la Vierge en 2014. Et puis je suis pas ta mère en 2017. Donc, la chance de les avoir en coplateau, elles font un set avec Camille Cella. Bah, c'est un set qui va transpirer de rire et de vérité dans ta gueule. Donc, on est content de l'accueillir, Maggie. C'est une bonne copine. Et bah, les bonnes copines, quand on est bons copains, on essaye de les faire tourner un petit peu. On est content qu'elle soit là. Ouais, on est content. Bon, après, Maggie, elle a pris un abonnement cette année dans les Vosges. Donc, la Maggie, quoi. On la présente plus ou très peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, je vous invite à venir voir parce que c'est tellement drôle et c'est tellement criant de vérité. Et en même temps, il y a vraiment beaucoup d'humour. Donc, c'est un spectacle à voir, quoi. Elle met le feu, elle met l'ambiance. C'est excellent, tout simplement. Oui, Maggie, quoi. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment la décrire plus que ça parce que elle est juste incroyable et puis il faut le voir pour y croire. C'est ça. Donc on enchaîne tout de suite sur deux titres de la Maggie. On enchaîne avec la Cougar. Allons-y. Allez, un petit J'aime coup de beaucoup, Cougar. J'aime beaucoup, elle est très drôle. Allez, c'est parti. Ça aide, hein. J'ai une copine, elle me dit, moi, si Dieu avait pas inventé l'alcool, je serais encore vierge. Elle est morteau, hein. Si, si, mais en même temps, il y a des possibilités, hein, quand t'arrives à 40 piges comme ça, tu peux... Il y a toujours des mecs comme ça, un peu plus âgés, qui sont célibataires. En général, ils sont célibataires parce qu'ils sont fait jeter par leur bonne femme, quoi, tu vois. Alors, ils ont mal à l'amour, ils ont mal à la vie, puis ils ont des gosses, et puis c'est pas les tiens. Ça fait chier. Sinon, des fois, dans ceux de ton âge, il y en a qui sont toujours un petit peu célibataires, mais ceux qui sont toujours célibataires à ton âge... Combien, c'est ça craint, hein. Normal. Ouais. Là, il y a un problème, c'est même pas un vice caché, là. C'est un vice assumé. Hein. Ou alors, sinon, tu peux toujours t'attaquer. C'était donc toi. Tu voudras ton numéro, je viendrai voir à chaque fois. Maintenant. Au plus jeune. Allez, viens dans ma maisonnette, je te montrerai mes grandes toilettes. Viens, si tu montes en température, t'auras droit à mes vergetures. Viens, et si j'en crois mon pacemaker, tu es l'élu de mon bonheur. Viens, si tu enlèves ton pétale, j'enfile ma culotte sale. Viens, allez, viens dans ma demeure, je t'emmène en déambulateur. Viens, aucun risque de faire un bébé, il y a longtemps que je suis ménopausée. Quoi tu veux que je te vénère comme un dieu, mais je ne pas gêner, les genoux cagneux, je suis tordu, les genoux tordus. On enlève ton pantalon. Viens, les avantages de Parkinson, c'est que j'ai le rythme dans la paume. Viens, ne te précipite pas si vite, tu vas bousiller mon arthrite. Viens, tu peux répéter tes ardeurs, de toute façon j'ai Alzheimer. Tu peux répéter tes ardeurs, de toute façon j'ai Alzheimer. Ouais, ouais, ouais, comme toutes les stars. Tu peux répéter tes ardeurs. Viens, t'es un peu jeune pour la presbyte, mais la tête dans ma cellulite. Viens, oh mais dis donc, t'es qu'on jouait. Attends, j'enlève mon dentier. Viens, oh mais pourquoi tu ne bouges plus? C'est ma lingerie qui t'a pas plu. passé dans mon lit. Ah non, non, non, non, non, non. Ça fait le troisième an de soir et j'ai plus de place dans mon placard. Viens, viens. Si même les jeunes ne sont plus rudes, rien ne vaut les vieilles habitudes. Viens. Il est où d'abord? Il est où? Médor. Médor. Oh, allez, viens la caniche à sa mémé. Oh, on est content de retrouver sa mémé. Allez, viens. Allez, viens dans ma demeure, je t'emmène en déambulateur. Et voilà pour ce live de Maggie Ball. C'est pour ça qu'il y a eu un petit blanc au début. On enchaîne tout de suite avec un extrait du nouvel album. Allez, un petit extrait du nouvel album. Allez, on se fait Tout va mal. Ouais, tout va mal. Allez, c'est parti. Allons-y. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'avais plus de télé. Plus personne pour me faire voir les belles images du monde entier. Et comment je fais pour savoir qui c'est qui se fout sur la gueule? Combien de clochards qui dorment dans un cercueil? Qui c'est qui va m'annoncer que Johnny l'est toujours pas mort et qu'un avion s'est écrasé parce que le pilote allait pas fort? Heureusement que c'est pour de faux, je peux me recoller devant mon écran. J'allume les infos, c'est rassurant. Tout va mal, alors ça va, l'Afrique a toujours la dalle. Ça va, en Irak, ils se foutent sur la gueule. Ben c'est que ça va, le monde roupit dans son fauteuil. Alors ça va. J'espère qu'avant la fin de l'année, on se mettra un autre tsunami. C'est beau la solidarité, ça fait plaisir à la poitrine. Et moi, je saurai quoi faire de toutes mes pièces jaunes. Je les donnerai à la boulangère, elle connaît ceux qui font l'aumône. J'ai eu peur que tout aille mieux, qu'on s'éloigne de la routine, qu'Israël soit amoureux de toute la Palestine. J'ai bien cru que pour de vrai, les dirigeants les plus craignos autorisaient le mariage gay et leur laissaient faire des gosses. J'ai rêvé que les barbus s'étaient rasés les poils et qu'aucune femme ne serait pendue pour une histoire de voile. J'ai cru que Marine Le Pen ouvrait une boucherie halal. Heureusement que la connerie humaine me remonte le moral. Tout va mal, alors ça va, l'Afrique a toujours la dalle. Alors ça va, en Irak ils se foutent sur la gueule. Ben c'est que ça va, le monde roupit dans son fauteuil. Alors ça va. J'espère qu'avant la fin de l'année, on pourra tous re-être Charlie. Qu'on pourra tous se re-aimer dans les rues de Paris. C'était bien, mais c'était court. Faudrait que ça arrive plus souvent, qu'on applaudisse avec amour les flics et les présidents. Tout va mal, alors ça va, l'Afrique a toujours la dalle. Alors ça va, en Irak ils se foutent sur la gueule. Ben c'est que ça va, Hollande roupit dans son fauteuil. Alors ça va. J'espère qu'avant la fin de l'année, il y aura le feu en Alaska, qu'on bouffera du pingouin grillé et que les phoques n'auront. J'espère surtout qu'avant la fin du mois, mon patron va m'augmenter pour que je me paye un écran plat et que je mette tout ça en 3D. Tout va mal, alors ça va, l'Afrique a toujours la dalle. Alors ça va, en Irak ils se foutent sur la gueule. Ben c'est que ça va, et moi je roupille dans mon fauteuil. Alors ça va. Se font encore la malle. Ben c'est que ça va, et nous on chie dans l'eau potable. Alors ça va. Et voilà pour l'extrait du nouvel album de Maggie Ball qu'on aura le plaisir d'écouter le 22 juin à la fête de la musique à Rochesson. On est toujours en direct de la radio Gémozo dans l'émission Les oreilles du monde présentée par les mondes de l'utopie. On continue notre petit état des lieux de ce que vous allez retrouver à la fête de la musique. Donc le troisième groupe qu'on aura le plaisir d'accueillir dans nos contrées vosgienne, ça sera le Nerdistan. Alors bon, je ne sais pas si quelqu'un, pour ceux qui connaissent, eh ben, vous pourrez directement venir à Rochesson. Et pour les autres, ben, on va vous faire une petite présentation. Donc le Nerdistan, donc c'est un monde un peu... Le Nerdistan, déjà le nom, c'est un monde un petit peu inventé. Donc c'est la cité du Nerdistan, c'est un état indépendant où les mots ont valeur d'acte et où la vérité est une arme fatale. Au Nerdistan, un pays sans frontières réelles, les nuages sont si sombres et si bas qu'ils empêchent les rêves d'atteindre le ciel. Bienvenue dans les contrées déroutantes du Nerdistan. Donc c'est un groupe de musique d'oriental beat et poésie arabe, pardon. C'est un projet électro-urbain enraciné dans les inspirations orientales. Donc il a pas fallu fallait pas moins de 3 ans de tournée à travers le monde pour que cet album voie le jour. Donc là ils vont venir à Rochesson pour présenter leur premier album, puisqu'ils ont fait des EP, mais là donc c'est un vrai premier album avec plein de titres dedans et de bonne musique. Et donc le Nerdistan est exclusivement consacré au live pendant ce temps, avant d'entrer en studio. C'est donc un mélange inédit de poésie engagée et de musique urbaine. Un premier album à la lisière du trip-hop et de la musique traditionnelle, avec la poésie arabe comme invité d'honneur, lui ouvrant ainsi les portes du siècle du numérique. Le groupe a su trouver l'harmonie entre texte et mélodie en dynamitant les codes du genre. Jamais la poésie n'a été aussi servie. Sobre et puissant à la fois, avec une sonorité propre au Nerdistan, ce premier album est un parfait combo entre des arrangements recherchés, des mélodies exquises, et des textes d'exception. Donc c'est un album qui reprend des textes forts, tels ceux de... Alors, vous m'excusez... Nizar Kahbani. Alors, excusez-nous si... Du Moyen-Orient. Et de Nazek El-Maleka. Alors, désolé si on ne prononce pas trop bien. La fondatrice de la poésie libre et la grande défenseuse des conditions de la femme au Moyen-Orient. Il y a aussi des textes de Gibran Khalil, auteur de Le Prophète sur les thèmes de la puissance. Et donc, comme l'écrivait le quotidien marocain Libération, le Nerdistan construit aujourd'hui l'avenir de la musique alternative arabe. Donc le Nerdistan chante un peu le malaise universel d'un peuple en marge qui se heurte à la solitude des écrans et à la froideur des vies soumises au regard de tous. Donc c'est vraiment un groupe plein de poésie et c'est très entraînant, les rythmiques sont fortes, c'est vraiment du électro-hip-hop. Donc ça bouge pas mal, il y a beaucoup de dynamisme et à la fois les textes sont vraiment très mélodieux et moi je trouve ça très très poétique et j'aime énormément. Donc je vous invite à venir le découvrir ou le redécouvrir à la fête de la musique à Rochesson. Donc du coup ça sera Nerdistan en duo avec oui. Widad plutôt rappeuse et Walid Ben Salim qui est plutôt chanteur. Donc vous pouvez découvrir des projets solo de Walid sur le net. Walid qui a un fort passé dans la musique en général, qui a fait partie de différents groupes avant de créer Nerdistan. Et Widad, ils viennent tous les deux du Maghreb. Donc c'est vraiment... Ils sont tous les deux marocains, non? Je crois. Ouais, je crois qu'ils sont tous les deux marocains, mais enfin, je suis pas vraiment sûr. Bon, on va pas dire de bêtises alors. Donc voilà, énormément d'articles sur eux dans les Inrock, sur France Inter, Télérama, L'Humanité, Radio Nova. C'est un groupe qui est jamais venu dans l'Est de la France. C'est une première. C'est la première. Ouais. C'est une date unique donc, pour cette année, pour la sortie de leur album. Venez découvrir Nerdistan, c'est la petite pépite de la fête de la musique cette année. Enfin, on en a deux, des petites pépites qu'on fait venir de loin. On prend des risques à les faire venir et on est très heureux de vous partager leur musique puisque c'est très entraînant et festif en même temps. Mm. Donc musicalement, c'est du haut niveau à venir découvrir à Rochesson, Nerdistan. Du coup, on peut écouter... on va écouter deux titres du Nerdistan. Le premier, c'est un titre... parce qu'ils ont une formation aussi à 4. Donc là, ça sera un titre dans cette formation qui s'appelle Malitza. Je vous laisse écouter. والكتب القديمة

Moi, je voulais vous... Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup et que je voulais vous partager. Les guerriers de Nordistan puisent dans un grimoire de textes anciens ceux que des maîtres poètes ont proférés à la face des puissances maléfiques pour garder la foi en la lumière. Bienvenue dans les contrées déroutantes du Nordistan. Nordistan, samedi 22 juin à 23h à Rochesson pour la fête de la musique. En accès libre, bien sûr. On continue. Donc là, le morceau qui arrive, il s'appelle Jude. Et donc là, c'est avec la formation à deux, donc Walid et Widad. Et c'est ce que vous pourrez avoir le plaisir d'écouter à la fête de la musique. كيف الطير على مقام لهنا فين نم من جفني علا والحر في صدري كاتم ما ندير كيف الريان في وسط الشتا خصو خاتم نمر صدري نيان لحبال سبب يا عبد الله ولا تنسى فكاك لحبال وحدو يا مريم هي وجود علينا يا رحمن ولادة لطفو عسى واجب ذكر في كل مكان وحدو يا مريم هي وجود علينا يا رحمن ولادة لطفو عسى واجب ذكر في Voilà, C'est génial, j'ai trop hâte d'être au Vendée. On est toujours en direct de la radio Gémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par les Monts de l'Utopie. Donc toujours sur la programmation du 22 juin, de la fête de la musique à Rochesson. Et donc on termine par le dernier groupe qui enflammera la soirée. Le Turfu. Dance Floor. Dance Floor, ouais, carrément. Donc Turfu. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Donc on va faire un petit débriefing. Donc Raphaël et Mathieu, ils se sont trouvés en 2014 au Portugal lors d'une rencontre internationale de musique trad. Dès lors, leurs yeux pétillent et semblent se dire « pourquoi pas ?» Mais ce n'est que 2 ans plus tard que les acolytes se retrouvent, cette fois loin des collines du Portugal, mais à Paris. Donc Mathieu, qui a fait partie de plusieurs groupes, nous vient de l'école du jazz et de l'électronique, mais le trad le met en joie particulièrement dans ce qu'il a de champêtre et dansant. Raphaël et son accordéon, qui également a fait partie de plusieurs groupes de musique, eux ont écumé les bals en Europe, mais les vapeurs de musique électronique s'intensifiant, il devient difficile de ne pas y succomber. Alors, comme 2 extraterrestres gentils se disant « Bonjour, Space Friend », d'accord, ils décident de... La présentation est pas mal. Ils décident de faire ce voyage cosmique main dans la main. Cette union rocambolesque signe la naissance de Turfu. Après plusieurs sessions d'improvisation, les premiers thèmes apparaissent ainsi qu'une direction commune, faire danser. S'inspirant de techno, de musique répétitive, de trad et de dance, ainsi que de matières brillantes et magiques, ils construisent ensemble un répertoire de fêtes, d'amour et d'amour pour la fête. C'est donc sous une pluie de paillettes que le duo performe son premier concert en août 2017 au Portugal. Chaleureusement accueillis sur le dance floor, Mathieu et Raphaël continuent de développer leur langage entre synthétique et l'organique, le soufflet et le kick, le bal et le club. Avec ces doubles casquettes, ils vont à la rencontre de nombreux publics, ainsi bien sur la scène trad que celle sur les musiques actuelles. Turfu prépare actuellement son premier EP. Qui est sorti, oui, parce que je note que c'est marqué pour fin 2018, n'est-ce pas? Donc Espace Fraîcheur, que vous pouvez trouver en ligne sur Bandcamp. Et qu'on pourra, j'espère, trouver à la fête de la musique aussi. Oui, oui. Probablement qu'ils les aimeront. Ils en auront quelques-uns, je pense. J'espère bien. Et donc, avec des thèmes principaux, donc la joie, la frénésie, les couleurs sombres et fluorées, la frappe et la tendresse. Vraiment un duo à découvrir, un duo batterie-accordéon, plutôt technotrad. Donc, pour ceux qui étaient là l'année dernière, c'est un duo un peu dans l'esprit de l'Appel de la Forêt, ouais, pour finir la soirée en beauté, festivement. Donc, venez danser sur la musique de Turfu. On va écouter 2 titres de Turfu tout de suite en direct de Radio Gémozo. Donc, on commence par Petite Fleur. We'll be right back. voilà pour le premier titre de Turfu. Ça va bouger. Hein. on s'enchaîne sur la deuxième, direct cache-pistache. Donc le deuxième, c'est 23. Donc c'est un extrait de l'EP Espace Fraîcheur. Thank you. Wouhou! C'était Turfu avec 23. Donc bah, Turfu, venez les découvrir, c'est de la dynamite. Ouais, c'est ça. On s'en remet une. On s'en remet une. Mais oui. On se remet un petit coup de Turfu. Donc Turfu à découvrir le samedi 22 juin à Rochesson aux alentours de 00h30 pour clôturer la soirée de la fête de la musique. Donc venez découvrir les quatre groupes qu'on vient de vous présenter. Camille Sella, Maggie Boll, Nerdistan, Turfu. Soirée de folie. C'est parti, espace fraîcheur. Thank you. c'est envoûtant. Hein. Sacré duo Turfu. Turfu. Bon, vous avez promis une petite interview des musiciens de Turfu en début d'émission, mais vu qu'ils sont en répète et en studio, ils n'ont pas pu entendre le téléphone. Ils sont trop à fond dans leur musique, donc les deux loulous ne décrochent pas l'appel téléphonique. Nous en sommes vraiment désolés, et du coup, on va clore tout doucement cette émission. Donc voilà, c'était un petit retour sur Cultivons nos passions qui a eu lieu le dimanche 26 mai à Rochesson, un marché festif. Très sympathique et très réussi, donc un fort succès pour cette première édition. Et puis on vous a parlé aussi de la fête de la musique en accès libre à Rochesson le samedi 22 juin à partir de 18h jusqu'à 2h du matin. Solution de repli en intérieur si jamais le temps n'est pas avec nous, mais vu qu'au monde l'utopie on a toujours le soleil, on espère va l'espérer qu'il sera une fois au rendez-vous à nouveau. Le 22 juin. Donc venez nombreux, faites de la musique avec quatre noms incroyables, Camisella, Maggie Ball, Nerdistan, Turfu. On va se quitter gentiment sur un petit air de Nerdistan. Voilà. Donc voilà, venez découvrir ces quatre artistes avec deux groupes en scène lead en ouverture de 18h à 20h. Et puis la grosse soirée, ça commence à 20h, ne ratez pas ça, venez. Et on écoute un titre donc de Nerdistan, Valnas. C'est parti. خاطر نبدل والو على في الدنيا بغينا كرهنا هكا نعيشو هكا نبقى ما بقينا نقدر والو دغيا عينا اسبوار مشاو مو تقريب مكتبي صيب يصير مقدر لينا ديما نقاسيو خونا كومن فضلام مدينة دراما سميتها كازا بلانكا تزاديت من بعد دريت بالليلية معبرة وتلامو هاكا تخمام في اللي فات واللي باقي جاي من بالي تمحى دنيا ما ديما ديما الديم الله ولا جزكاتي دوم صحة ناخدها صحة نبقى ديما صاحين حتى الصحة في صفحة وخا حسب راسي غريب ولزم اللحلي وسط القلوب القاصحة وان شاء الله معاكم ديما حاضر نعاود حوال الناس حال الدروب حال الجيوب حال القلوب وحالي بلا كدوب مليان عيوب مكتوب وكتاب نقاصي الفرح مني مسلوب انا امسي ماشي كلوني رد الفرح للقلوب كل ما طال الوقت تزاد معاه تزيد لمحين تزيد نرابي الغام غرابي ابلغ تترابي بلا ما نوقف بلا ما نحبس بلا ما نستابي على قلت الحق مربي لاش الخوف ونبقى مخابي الخوف من ربي الشاهد لي على طرف لساني خارجة من قلبي من قلبي نروح قاوع لمظاليم وراق طبان وراس والريبة ناس نساو صبيان بلا مثوى يسعوا من بيبة دريبة لهنا مشى بلا رجعة طول في الغيبة في المايك اللوحة مثال خديتها من جيل وحوال غريبة افعال وعيبة سيبة هدور وخيبة بالهجة فليبة شولة مصيبة حياتي رويبة رويبة حياتي حياتي صعيبة زمالي هالراس على 16 عام لبس البلوزة خدم نفس كيد الراس بلا دروة بلا سين اساس السالر كان مية والباترون قلبو كاياس على 20 الرابي نفسه مازال مازال نخلي التراس فطرك بكلام رصاص قرطاس عيارو تقيل عيارو منحاس دادي كاس الفاميلا عمرهم فيا تاقو ديما يقولوا وهذا الراب في شي خلاص دابا البدية ما بغيتكم شجمان ما بغيت فان ما بغيتو خلاص غير وكان خاص القلب تصحى وتبان الرابر وشن وخلاص خدمة كي غيكون انا كي غنكون واش تاجر وكلاس فكلاس اس ولا بليسي في بايس في امبيلونس ولا في سيرو معطس معالم حابس ولا بزنس في الدرب على وجهه سيكاتريس الدنيا مكاتب وعلينا بفرقة أبرتي ملعقة زيدة بمعلقة ذهب غارقة فذهب مغرقة البنكة تيكي وراق زرقة بالحساب وبرتي خرافة حبال الله معلقة غرقة في حسابات مع الأصحاب والرفقة بالحق تلقى هنا في الكارتي مبقى هنا لا حيم لا شفقة لا مني حل لا مني من نفس صدقة أفكازة ما نقدر نبدل والو بغينا هكا تبقى الزنقة الزنقة عليها داوي حيت من جيت وعارفة بحقها حقة تفكرت كاع لي ناس وراح بينا بكا وفراح سواكا ضحك سواكا نحزان والواح كاع الحوايج اللي شت وخلت في قلبي جراح جراح ما عندها دوا عمر الكلام داوى جراح خويا داوي على راسي واللي صار عشران الطهرة كلامي يفهمو اللي عاش ولد باب الله مقطوع من شجرة بالحسرة الدم تعرض في الدمعة قال يا خسارة كي بغيتي نبدل الدنيا على ماني انا شكون تانا حالي من حالكم وبالي مشطون لا طولت في الهضرة عطروني اليوم القلب طيب بالمصايب وكل شي يقول صاحبي جيبي فين يكون شي صاحب جيبو كيف جيبي فين يكون شي نقول علي والف لالكون والهمري وديما وراه صبياني غوتو واسكيري من خوف هرب للشرطي مادي صغير واحد بحديدة مكسيري وانت عارف كبار عشيري في كبري تمنيت وتيري في راسي بلاو عالله نلقى راحة راسي في قبري مليت نبقى حاضي ظهري في ثم الظلمة ديما فيها مضايبري من صغري انا موت في الفلاو ودخلق اياو اياو اياو بكلام محلوبة معاني اللي فهموا قديمة معانا مع الداك شحال قتلنا من امسي بستيلو وصلنا في الفلو حفظوا فلان وفلانة وهانا وهانا وهانا وهانا ما القدر بدل والو في الدنيا بغينا كرهنا هكا نعيش وهكا نبقاو ما بقينا القدر والو غيعينا الاصبار مشى متكريم مكتب يسيب يسيب واش مقدر لينا ديما نقاسم ما القدر بدل والو في الدنيا بغينا كرهنا هكا نعيش وهكا نبقاو ما بقينا القدر والو غيعينا الاصبار مشى متكريم مكتب يسيب يسيب واش مقدر لينا ديما نقاسم ما القدر بدل والو في الدنيا بغينا كرهنا هكا نعيش وهكا نبقاو ما بقينا القدر والو غيعينا الاصبار مشى متكريم مكتب يسيب يسيب واش مقدر لينا ديما نقاسم Vous êtes toujours en direct sur la radio Gémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde présentée par Les Mondes d'Utopie. Eh ben, on va se quitter. Eh oui, on va se quitter. Il est l'heure de clôturer cette émission. Donc, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission, une prochaine mensuelle de Les Oreilles du Monde en direct sur Radio Gémozo. On fera un petit retour avant de prendre quelques vacances. C'est ça. Donc ça sera la dernière émission avant les vacances d'été. Donc on se retrouve en juillet. Et le deuxième jeudi, comme d'habitude. On tient toujours à remercier Radio Gémozo de nous laisser une place sur leurs antennes pour vous parler de nos projets de musique du monde et des mondes de l'utopie. Donc merci à tous ceux qui nous écoutent, puis on a hâte de vous retrouver le samedi 22 juin pour la fête de la musique. À bientôt, plaisir. À bientôt, bonne journée.